60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins. Moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 60 et 10% pour 100%. 60 et 10% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. The amazing acro cats. Exactement. Présenté à Montréal, douteux.org, surtout Simon Préjean, qui fait venir l'incroyable Acro Cat Circus ici à Montréal pour tellement de représentations. Choisissez vos deux préférés puis amenez la femme de votre vie. Et voilà, j'ai hâte de la rencontrer. Le chat, il peut pas jouer de la musique. Il peut pas jouer de la guitare, le chat. Amène-moi un beau green screen, là, de quoi, avec des lumières. Parce que là, on est en train de parler d'affaires non seulement avec des chats. C'est que, vous avez vu, il y a des dates de représentation. C'est... Oh, c'est ma licorne. Allô? Hey, hein? C'est pareil comme un cheval, mais avec un pénis bandé dans le front. Donc, c'est ça, vous avez vu, on a les chats qui s'en viennent. Ça nous fait un gros mois d'août. On continue à douteux.tv. Je prends un petit peu de temps d'antenne pour vous inviter parce que cette semaine, ça l'a brassé beaucoup. Non seulement on a rencontré Lloyd Kaufman qui est venu nous voir dans nos studios. On le remercie beaucoup. Le monsieur est très généreux de sa personne, de son temps et de ses idées. Mais on a eu aussi l'excellent Josh Johnson qui est le réalisateur de Rewind This. On a eu aussi la bande de The Demon's Rook. Il y était beaucoup. Là, je me rappelle des noms de tout le monde, mais ça vous intéresse pas, là, vous allez voir ça live en archive. Et on a eu aussi l'excellent Timothy, un gars d'Edmonton qui faisait des films. C'est toutes des entrevues que j'ai eu l'honneur de faire avec des invités de classe internationale qui ont été invités à Fantasia au Festival de films. On remercie Fantasia aussi parce que quand même, hein, tu sais, Bruno, il nous les a eus par la porte d'en arrière. Très content. Le musée est en train de se développer. On a eu tantôt des réalisateurs de la nouvelle vague là, qui sont encore capables de regarder le monde dans les yeux quand ils leur parlent. De toute beauté. Sinon, bon, on a une émission assez chargée aujourd'hui. J'ai Sans Bon Sens, un gars qui vient de Rouyn-Noranda, un patelin bien spécial où ça sent spécial aussi. On a Giz qui va nous parler de casino. Ça va être très pertinent, jeux vidéo et casino. C'est de plus en plus comme mélangé, un petit peu comme la bière, les chars et les filles. Je sais pas pourquoi, ça vient de où, c'est ça. On a Marianne aussi. Tu nous parles de quoi, Marianne? Moi, je te fais une surprise aujourd'hui, Tommy. Yeah, une surprise! Et on a bien sûr Mathieu Boudreau, là, j'ai entendu dire ça va vraiment pas aujourd'hui. Fait qu'en tout cas, on va voir comment on va passer au travers de l'émission. Et là-dessus, vous savez comment ça fonctionne, moi, à douteux.org, douteux.tv, je suis un petit peu chanceux parce que je suis comme l'anus du processus. Dans le sens que je suis la dernière étape avant que ça disparaisse et qu'on s'en crisse dans la gang. Tout le monde rip des clips, des films, m'envoie des liens. Moi, je les download, j'en fais une belle banque de données. Je suis comme l'archiveur final. Et ça arrive souvent. Je dirais la première fois que ça m'est arrivé, que je me souviens, c'est en 2003 quand j'ai découvert Madness Ring. Je me suis dit, ce gars-là, c'est un trop gros dossier. Je le mets de côté pour l'instant, ça va me revenir pareil. J'étais occupé, j'étais dans le Roger Normandin jusque-là. Et ce qu'on va écouter maintenant, c'est quelque chose qui m'a donné un petit peu la même impression. Ça nous vient de 42 Visions Binaires. C'est un film que SNC-Lavalin, la firme pleine de pourris, a fait en 2004. C'est un cadeau de Noël qu'ils ont offert à leurs employés. C'est donc un film de Noël de SNC-Lavalin. Ça dure une heure comme il faut. Et l'histoire, c'est qu'il achète chez un pastiche de Canadian Tire, il achète des clones d'eux-mêmes qui vont travailler à leur place dans les différents départements. Et ça laisse aux employés du temps pour faire ce qu'ils aiment faire dans la vie. Ce qu'on va avoir là, l'idée est un petit peu bonne, dans le sens que ça permet de faire un film avec tous les employés de divers domaines, et puis si toi t'es ma tante Gérald à l'accueil, puis que ça te tente pas de faire le clip de rap dans la cour arrière, ben inscris-toi pour aller faire le bingo, tu sais, participe pas, puis passe pour une folle. Mais bon, dans ce cas-ci, on s'en va écouter, parce que dans le clip, dans 42 Visions Binaires, il y a plusieurs comme petits bouts pour satisfaire à tous les goûts de tout le monde, de tous les employés. On va aller écouter une chanson de rap que le département informatique de SNC-Lavalin a fait en 2004. On est à 70% en esti. Shoot! Je travaillais dans le test avec mon chum Mike. On avait ben de la misère parce qu'en dépit, il voulait rien savoir. Switch le ring, il change la mémoire. On les a toutes flashés, les BIOS des Harry. Reconfigure, IMM.6/666. C'est comme M.com. Plutôt exact, back, on les connaît toutes par cœur. Pour nous, c'est comme des toutes qu'on lancerait les rockers. On les a toutes appelées. Tirées, CHP pour la régler le problème. Adresser la situation, on a tout essayé. Workaround des bug fix. C'est nous qu'on a trouvé le fix. Me, Groovy Mike, NMC, Crazy J, directly from the test room here at SNC. En descendant des vaches, et ça va remonter. Gardez la boule far far, nous autres on a RDP. Gardez la boule far far, nous autres on a RDP. Gardez la boule far far, nous autres on a RDP. Courage en fou, pis des nuits de 4h, des 800, 720, 050 et tout un coin. Nous autres les admins, on fait ça sans broncher. Juste avant de faire votre prière, y'a qu'à nous appeler. Pis les demandes de marque, classées pour hier. C'est rien pour nous shaker tant qu'ils payent la grosse dette. La Libye à la Pologne en passant par l'Australie, y'en a pas un planté qu'on pourra pas remonter. Vous soyez dans 2003, exchange, une lettre à plein. Si vous êtes dans le groupe, on est toujours game. Un script, une patente, une clé, le registre. Pour vous sauver la SLA, on va tout essayer. Ici Groovy Mike, NMC, Crazy J, avec toutes les amis, ici chez SNC. En faisant des bâches, ça va remonter. Y'a rien pour nous faire peur, nous autres on a RDP. Y'a rien pour nous faire peur, nous autres on a RDP. Y'a rien pour nous faire peur, nous autres on a RDP. Y'a rien pour nous faire peur, nous autres on est RDP. Hey, peint ton micro, Joël, tu sais comment ça marche. Allô, là, oublie pas, faut que tu parles dedans le bon bout. Essaie de pas trop le bouger. On a notre technicienne experte ici, Marianne, qui prend le relais pendant que je parle avec notre invité d'aujourd'hui. Bonjour. T'as fait le voyage depuis Rouyn-Noranda pour venir nous voir. Oui, ben en fait, j'ai fait le voyage de Rouyn il y a 4 ans, en prévision de venir vous voir aujourd'hui. Excellent, ouais. Excellent. Rouyn, pourquoi Rouyn? Pourquoi t'as choisi Rouyn pour naître là? Je dirais, en fait, c'est la faute de mes parents. Vraiment, c'est ça remonte à loin quand même. À Rouyn-Noranda? Oui. On l'a déjà entendu. Tu penses, peut-être que le monde ne le savent pas, mais moi aussi, je viens de Rouyn, puis on a comme appris qu'on connaissait plein de gens... parce qu'on vient de Rouyn, tu sais, c'est ça. Fait que là, comme on se connaît déjà tellement bien, je sais pas trop quoi lui demander, vu que je sais déjà tout. Bon, ben, ciao! Ouais, merci! Donc, sans bon sens, c'est ça ton nom de superstar? Oui, en fait, c'est le nom de mon site web. Site web, ouais, moi, j'opère ça de façon anonyme. Sansbonsens.org, donc je t'invite à aller voir. En fait, le concept est simple. C'est que, tu sais, comme de plus en plus, il y a des sites de nouvelles comme Le Navet qui relaient des fausses nouvelles Puis le Gorafi. Exactement, l'axe du MAD, des choses comme ça. Oui, voilà. Puis, on crée l'événement, comme tes QS avant, mais là, on le cale avant. T'sais. Moi, en fait, j'ai commencé à lire The Onion, ça fait longtemps, je trouve ça très drôle, puis je dirais que je lis plus souvent des fausses nouvelles que des vraies nouvelles. Ouais, c'est et t'en sais sûrement plus sur le monde, pareil. Sur le faux monde, en tout cas, certainement. Et voilà. Puis souvent, ben, on voit des gens sur Facebook ou sur les réseaux sociaux qui partagent ces fausses nouvelles-là en pensant qu'ils sont vrais. Puis c'est très drôle parce que... C'est très, très drôle. Je veux dire, sur le groupe de douteux sur Facebook, ça arrive souvent qu'il y a des gens qui postent ces niaiseries-là, parce que c'est vraiment de l'absurde volontaire réussi. Et souvent, oui, il y a des commentaires assez spéciaux de « Ben là, j'espère qu'ils vont l'arrêter. » Non, mais le gars, il a pas mangé sa propre tête pour vrai. L'idée du site, en tout cas, c'est de répertorier des fois où que les gens comme ça se sont fait pogner. Comme Kim Jong-2, genre, tu veux dire. Toi, tu veux dire les gens... qui pensent que les fausses nouvelles sont vraies. Ah, c'est méta en esti, ton affaire. Ouais, OK. Puis l'idée, c'est dans... Il y a deux choses derrière ça. La première, c'est d'en rire, parce que c'est drôle. Puis la deuxième, c'est de promouvoir, dans le fond, l'esprit critique face aux fausses nouvelles. De ne pas croire tout ce qu'on voit dans les médias. On encourage très beaucoup ça ici à douteux.org. On espère que tu vas te trouver une cage horaire puis venir faire un show à un moment donné. La dernière personne à qui j'ai dit ça, c'est Jonathan Simon, il est dans le salon. Puis... Il est rendu millionnaire, je pense. Ouais, c'est comme ça qu'on recrute nos bénévoles, c'est qu'on part la caméra, on dit tes lives en archive, fait que fais-nous plaisir. Okay. C'est ça. À date, ça va bien. Sinon, tu joues-tu à Magic? Magic, j'ai joué une fois. Calice. Je me suis fait... Non, fuck that, là, ta gueule. Quand tu passes le parc, à quoi t'as-tu un truc pour passer le parc? J'ai commencé à essayer de compter les arbres. Quand ça va être fait, je vais compter les feuilles dans les arbres. Les aiguilles des sapins. Je m'ennuie pas trop. Là. Et voilà, Joël, il dit qu'il y a des solutions. Moi, j'aime mieux t'appeler Sambon. Je veux-tu t'appeler Sambon? Sambon, vas-y, écoute. Je sais pas si on va se reparler après à soir. Si tu m'appelles Sambon, probablement pas. Là. Arrête donc. Mais. C'est positif, sentir bon. Oui, c'est vrai. Parce que ça fait Sambon de char, tu sais, Sambon sapin, Sambon. C'est cool. Je sais pas. J'ai l'impression que t'essaies de Tu vas voir, ça a l'air d'être les filles, je suis sûr. D'ailleurs, t'as dit que tes parents vont nous regarder. Oui, salut maman, salut papa. J'aime ça. Salut, moi aussi je viens de l'Abitibi, fait que c'est pour ça que je le prends pour acquis un petit peu. Il est cool. Hein, toi, t'as plus de pied à terre en Abitibi? Mes parents sont retournés au Témiscamingue. OK, si tu passes à Rouen, en tout cas, tu iras chez mes parents, ça va leur faire plaisir absolument de t'accueillir. J'ai encore beaucoup d'amis là-bas. J'ai salué, mais ils m'écoutent pas. En tout cas, c'est pas des vrais amis. Je suis en train de te dire ça. C'est quoi pour toi l'amitié? L'amitié, c'est quelque chose de très profond. C'est un secret que j'ai pas encore réussi à percer vraiment, en fait. Okay. Je pense que j'ai beaucoup d'amis, mais on n'est jamais vraiment, vraiment sûr. Non, il faut juste que tu manques d'argent pour t'en rendre compte. C'est ça, je comprends. T'as-tu une méthode pour trouver tes... Parce que là, c'est très méta. Ça doit pas être facile de trouver tes sujets. J'ai mis une adresse email pour que le monde m'en envoie. OK. Puis à date, j'en ai pas reçu. Fait que j'ai dit à la population générale, si des gens dans votre entourage se font avoir, riez-en, mais aussi envoyez-moi-les. Comme ça, faites partager la bonne nouvelle. Et voilà. Puis inscris-toi sur le groupe de Facebook. Tu vas voir de douteux. Il y en a plein. Là. Tantôt, j'essayais d'en trouver une là, parce que ça se peut pas que le gars mange sa tête. <C'est>... Conte-moi une joke. Une joke? Ben ouais. Ah, mon Dieu. Ouais. Bip! Bip! Bip! Bip! Bip! Alors, je t'écoute. Tu peux pas me faire ça, là? Je fais ça à tout le monde tout le temps. Ah ouais? Ouais, puis tu joues pas à Magic, fait que ça, je me gêne encore moins. Non, mais tu peux me poser une question impersonnelle, d'abord. Impersonnel? Ou personnel. Mais ben, faut qu'elle soit en français ou en anglais, je pense. Je pensais que t'allais me poser les questions, en fait. C'est ça l'affaire. Là. Comme... Ben, là, on est rendu au moment où on a fini l'entrevue. Combien de temps tu passes? Je serais vraiment curieux, par exemple, de savoir combien de temps tu passes sur ta moustache. Mettons dans une semaine. Dans une semaine, je te dirais... parce que là, il faut que je fasse la moyenne. Ça, c'est vraiment rien. A donné parce que j'avais... ça pousse naturel. Ouais. Puis là, j'ai juste comme fait ça, comme ça, avec mon rasoir. Fait ça comme ça. Puis j'ai plus rien d'autre à faire. La nature se charge du poil. Eh bien. La nature me rend berbe. Mesdames et messieurs, Tommy Godette, douteux.tv. Merci beaucoup. Exactement. Voilà. On s'en va écouter un excellent clip. J'espère te revoir, Joël. C'était très gentil. Je vais faire une plug avant qu'on termine. Oui, sansbonsens.org. Sansbonsens.org. Allez vous liker sur Facebook. Puis la raison pour laquelle j'ai fait ce site-là, ben, c'est parce que moi, j'ai gradué avec une mineure en informatique. Puis je me cherche une job. Fait que si vous allez voir mon site, puis vous l'aimez, puis vous voulez vous faire un site, ben. Ben, on cherche des bénévoles qui font des sites. Fait qu'en tout cas, ça avance bien, ton affaire. On va peut-être travailler ensemble. Excellent. Merci beaucoup, Joël. Ça fait plaisir, merci à vous. Allez checker ça sur Facebook, là, puis restez parce qu'on a une émission encore. Je me rappelle pas c'est quoi le clip que j'ai mis. C'est quoi, Marianne? Dunkin' Donuts. Ah, calvaire d'hostie. C'est Dunkin' Donuts. OK. Je sais pas si tu as déjà vu Jack and Jill. Je connais pas ça. C'est un long métrage de 2011 qui a été fait par Adam Sandler pour qu'il puisse voler de l'argent au système de cinéma à Hollywood. C'est un long métrage qui a coûté 79 millions à faire. 79 millions à faire. Une comédie. C'est extrait. Oui, une comédie romantique classique. En fait, il joue les deux rôles principaux, comme ça, il peut avoir deux chèques de paye. C'est lui au masculin et sa jumelle au féminin, qui est lui aussi. Mais en fait, c'est comme lui avec du rouge à lèvres et une perruque. Là. Il y a de quoi et donner des fausses boules. C'est infect, le long métrage. C'est très, très, très moins 8. La première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était plus moins 2 banal. On l'a réécouté, on s'est drillé dedans. On est devant quelque chose de vraiment sublime. Et ce long métrage de 2011 culmine dans une publicité. Parce que là, tu sais pas si c'est une fausse ou une vraie, parce que c'est le vrai produit. C'est Al Pacino qui chante dans son plus grand rôle pour Dunkin' Donuts. Fait que c'est une pub pour Dunkin' Donuts. Ils ont pas appelé ça Bunkin' Bonnuts, mettons, tu sais. Fait que là, c'est supposé être une fausse pub dans le film. Parlez-en à mal, parlez-en à bien, puis allez tout chier à même place le lendemain. On écoute l'excellent, ça vient de Jack and Jill de 2011, encore une fois, sansbonsens.org. Merci beaucoup. Pow. Ça sent le nouveau chez Dunkin' Donuts. Wow! Al Pacino! Ce n'est plus Al maintenant, c'est Dunk. Dunkcino? Tout le plaisir est pour vous. Comment je m'appelle? Dunkcino! C'est une étincelle. Dunkcino! C'est très crème léger, c'est parfait. Attention à mon chocolat mousse. Tu t'en lèches les doigts, c'est le roi. Ce régal n'a pas d'égal. Et n'oublie pas la pointe de noisette. Caramel doux, tout ça c'est pour vous. Tout le monde veut mon Dunkcino. On ne se lasse pas de mon Dunkcino. Les plus grands et les plus petits font la queue pour mon Dunkcino. Comment je m'appelle? Dunkcino. Dunkcino. The hatred. I want to feel the hatred. Ça, c'est moi qui essaie de faire une face de lutteur avec Lloyd Kaufman. C'est moi, Tommy Godette, qui essaie de faire une face de lutteur avec Lloyd Kaufman, le gars qui a fait Toxic, le ravageur. C'est important dans la vie. Que des bons souvenirs. More than available if you need a main male cast. C'est moi, Bande Pensante, alias Julien Bernatché. Vous me connaissez, c'est mon premier vidéo. Puis j'ai pas peur de la controverse. Ça va faire du bien quelqu'un qui donne son opinion sur Internet. Fait que c'est ça, là, j'étais à Fantasia au cinéma impérial pour la première de Chucky 6. Ça va probablement être poche, mais j'ai vu le 1 puis le 4, je crois. J'avais pas tant le choix de venir ici. Pas beaucoup de filles, hein? Pas ici pour faire des rencontres. Vous l'aurez deviné, mon vidéo est une réponse aux vidéos que j'ai publiées hier Réseau Non Social, alias Dom Massy, du collectif humoristique Les Pique-Niques. Yo Dom, what the fuck? OK? T'as publié une vidéo dans laquelle tu parles de ma vie privée. C'est parce que vie privée, ça le dit, ok? C'est la vie, qu'on n'en parle pas. Fait que ça m'a vraiment fait chier, man. C'est-à-dire, un chien révèle jamais sa baguette. Tu sais mieux que quiconque. C'est-à-dire, c'est comme si moi, j'allais dire à tout le monde que t'as pas voulu venir voir checker avec moi parce que ça te faisait trop peur. Oups. Désolé. Je voulais pas. Excuse-moi, Dom, hein? Le sac sort du chat. Désolé. Comment on se sent quand ça arrive, hein? La rose arrosée. Ben c'est ça, alors voilà, si cette vidéo vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager. Puis le féminisme n'est pas mort, ok? Claude Legault, comment on arrête ça? Mathieu? Oui. Ça va? Oui, oh, oui, ça va. Je me demandais juste pourquoi il m'avait abandonné. Là. Mais tu sais, à cette heure aujourd'hui, c'est wireless. Hein, t'as plus besoin de le dire. Tu veux dire, Dieu est rendu wireless? Ouais. Ça vient de sortir. mon père, il disait quand l'appétit va, tout va. Non. J'étais en train d'écouter Un meurtrier comme vous et moi, là. C'est un documentaire sur Canal D, ça. Oui. Quand Fiston, là, 8 ans, hein, immunisé pour la plupart des poisons connus, hein, capable de maîtriser... Là, une... C'est pas la moins belle de tes fiertés. Là, non, mais je te l'accorde. Ben oui. Capable de maîtriser une proie jusqu'à 3 fois son poids, hein, membre en règle de l'armée de Kiss. C'est un vrai boudreau, tu sais. Il était direct en avant de la TV. Il est venu se poster là. Bon là j'ai pas tapé dedans là. Quelque part il shakait tellement que je pouvais voir l'image pareil. Fait que, t'sais. Mais sa couleur m'inquiétait. C'était un genre de vert phase terminale, t'sais. Puis ben fait que j'ai pas eu le temps d'y demander s'il avait encore mangé des brins d'herbe dans le jardin qui me vomit son cœur, toi. Mais son vrai cœur là. Ben là arrête donc. Non, il est fendu en deux, man. Aïe, aïe, c'est... Ah, des fois dans la vie... Non, mais des fois dans la vie, il faut laisser ses priorités de côté, là. Bon, en même temps, faut pas s'oublier, là. Fait que j'ai mis sur enregistrer la fin du documentaire. Puis, j'ai dit à Fiston, « Hey, ramasse ton cœur, va nous chercher 3 bières. » Ben, je le sais, on était 2, mais c'est parce qu'eux autres, à cet âge-là, ils boivent pas vite, hein. l'instinct parental, Tommy. Je le savais ce qui se passait, tu sais. Ça faisait une couple de jours qu'il s'était mis à écouter du Francis Cabrel, à écrire des poèmes, puis à regarder par la fenêtre comme un épais pendant des heures. Ouais, tous les signes étaient là. Il manquait juste à écouter Choix FM. Là, pis, Bon, ça, il le faisait avant, là, regarder par la fenêtre. Là. Mais c'est à cette heure, c'est qu'il a le droit d'aller dehors, tu sais. Fait que je comprenais pas. Ah. Il a juste à demander à la porte, tu sais. Bref, j'avais vérifié le calendrier tout de suite, là. j'ai mis la toune de Bubble en ouais, c'est bon. C'est bon. Il y avait... Non, c'est ça, j'avais vérifié le calendrier, puis non, hein, c'est pas la semaine internationale des gays et lesbiennes, rien. Fait que, vu mon ignorance, j'avais aucun autre outil à m'apporter. Fait que je suis allé vers quelque chose que j'ai toujours utilisé seulement dans le but de détruire. Mon intuition. Zone de confort, là. Ouais. Fait que je l'ai regardé, puis j'ai dit... ben voyons... Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y avait des grosses larmes qui coulaient de chaque côté, de la bave puis de la morve qui se rejoignaient un peu partout dans sa... On aurait dit une mouche dans une toile d'araignée, tu sais. Ah, ça va pas bien, là. Non. Ben, en deux secousses... Cœur de père saigne. Ouais, c'est ça. Uh-huh. En deux secousses, il me dit, « Papa, la fille qu'elle m'aime pas, moi je l'aime, mais moi je l'aime pas, mais elle, elle m'aime, moi je l'aime, puis m'aime pas. » Ben, un, il a rencontré quelqu'un. Où? Ouais, c'est déjà première question. Ça, c'est un autre dossier. Je te règle ça lundi prochain. Mais dans ces cas-là, il y a deux solutions. T'as besoin d'un peu de temps encore. Dans ces cas-là, il y a deux solutions. T'sais. Celle qui est plus connue, c'est la communication. On s'explique là, des concepts simples de réalité monstrueuse. Exactement. C'est comme ça. Puis ben, la moins connue, hein, c'est le vidage d'informations par l'agression. T'sais. Le vidage d'informations. Non, mais ça, tu vas avoir besoin de nous en parler un peu plus. Ben, en fait, chez l'enfant, hein, pour rentrer ou sortir une information de sa mémoire, il faut passer par l'arrière du crâne. C'est que c'est vrai, ça. Hein? En fait, c'est un peu comme un Mac. Tu sais, il y a un piton, c'est les points de pression qui changent. Un point de pression. C'est de la job un enfant. C'est pas évident, Tommy, tout le temps. Un point de pression, sélection de l'information. Deux points de pression pour d'autres options. On peut facilement s'imaginer qu'à l'école, Bill Gates n'avait pas beaucoup d'amis. Hein? Le gouvernement appelle ça ouvrir... Ah non, mais tu sais, on jase. Le gouvernement appelle ça ouvrir le sujet au conditionnement. Mon père parlait plus d'update des drivers. Chacun sa définition. À la surprise générale, hein, j'ai opté pour la communication. Ouais. J'ai pas tapé dedans, mais il va falloir un nouveau téléphone, une TV et une lampe. Là, t'sais. Ça a toujours un prix, l'amour. T'as-tu fait se rencontrer violemment? Ouais. Puis là, je suis allé, j'ai fait un petit quelque chose. J'ai fait « Yo, fiston, on tourne en rond. Notre argument n'a pas de nom sauf celui de l'iraison. Les humains sont fous, nous ne voyons que nous. Miroirs embrouillés, c'est une triste saison sur le boulevard des éclopés. Je te tends la main, je suis moi aussi vilain. Mais le fond est bon, autant le mien que le tien que le sien. Nous ne sommes que des enfants. Ensemble, il faut apprendre à devenir grand. Même si je sais que le temps est long sur le boulevard des abandons. » Je suis mal à l'aise. Bien. Puis il a écouté, il a compris jusqu'au bout. Ça a-tu donné les bons résultats? C'est à la mode, ça, la poésie? Non, ça s'appelle du slam, ça. C'est tout à fait différent. Ouais. Oh, ouais. Ben, c'est parce que je suis pas bon, moi, là-dedans, les émotions. Ça sort précis, mais tout croche, tu sais. Je me vois mal expliquer à un enfant le sens de l'amour, fait que je suis allé par un conseil. Tu sais, l'amour, c'est comme la mécanique. C'est bien beau, la théorie, mais c'est en pratique que tu rencontres les vrais problèmes, tu sais. Fait que... Il était content, il a souri, il m'a dit « OK, fait qu'il faut que je me détache de mes idées pour mieux voir la réalité. » Je lui ai dit « Écoute, gars, si tu comprends mieux que moi, je vas-y avec ça. » C'est le fun avec les kids à cet âge-là, c'est des éponges, tu sais. Fait qu'en terminant, c'est pas facile nulle part, la communication. Hein? Cette semaine, j'ai appris grâce à mon fils trois choses essentielles. Un, ça prend du temps pour bien communiquer, tu sais. Faut prendre le temps de le faire, tu sais. Deux, faut crissement se mettre les tripes à la table pour bien communiquer, tu sais. Ça, c'est pas évident pour vraiment personne dans la vie, tu sais. Dire la vérité, des fois, c'est effrayant, même. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis trois, ben même après un solide mal de cœur, tu sais, le goût de manger te reprend. Puis ça, je ne sais pas si c'est normal, mais tout le monde a faim. Tout le temps, à différents degrés, je suis très d'accord avec toi. C'est ça. Merci, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. Est-ce que tu connais l'excellent Gilbert Langoureau? J'ai couché avec. L'excellent Gilbert Langoureau, c'est un artiste qu'on connaît beaucoup à Douteux. Oui. J'ai trouvé sa première apparition à la télévision ici. Ça dure quand même 6 belles minutes. Et ça s'appelle, de manière très pertinente, « Je veux mourir ». Donc, juste au retour de ceci... On a Giz et sa chronique de jeux vidéo. Merci beaucoup, Mathieu. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Excellent. On est au centre-ville de Montréal. Il fait 42 degrés. Lubrique, je veux mourir. Pagayant dans la choucroute. Qu'on mette en bière liquide, je salive. Je décolle, je veux mourir. D'un excès de Chatterton sur les oreilles des hommes que je tire. Je veux mourir. Dans une guerre de confettis, je serai plus déserteur, je serai général carnaval. Je veux mourir sur un chantier, je suis arabe, en faisant des gammes au marteau piqueur. Je veux mourir comme un cracheur de feu qui a explosé à cause d'un mégot sadique. Bam! Je veux mourir. En tombant de mon nuage, il faut pas piquer des étoiles. Au ciel, je veux mourir dans un western italien, d'un attentat d'un extrémiste indien. Je veux mourir comme Mara dans sa baignoire qui a voulu changer une ampoule électrique. Je veux mourir dans une coupe de champagne, jouer au football avec les mules. Luque Kempes, Luque Kempes. Je veux mourir d'un accouchement de Jiquel. Je suis enceinte d'un téléviseur, douleur, menteur. Je veux mourir comme une vague sur la plage. Entendre la mer par le coquillage de Charles Trenet. Je veux mourir parce qu'il paraît que là-haut, ça baise, ça fume, ça bouffe, ça tend la bite. Je veux mourir pour pas me tuer au boulot. Au Père-Lachaise, je ferai des niches. Au caniche, je veux mourir sous un vol de corbeau. Qui croit que je crois, qui croit que je crois, qui croit que je m'appelle Van Gogh. Je veux mourir 3 minutes, 30 secondes pour revoir la môme Piaf et Brel se moquer du monde. Je veux mourir pour pouvoir de là-haut cracher par terre pour que l'hypocrisie se casse, se casse, se casse la gueule. Je veux mourir pour me repointer plus tard quand l'argent ne servira plus qu'à se torcher le derrière. Je veux mourir et vice et versa. Je veux mourir et lycée de Versailles. Je veux mourir de folie, de folie, de folie, de folie. Je veux mourir hôpital psychiatrique. Je veux mourir à nous la belle vie. Je veux mourir pour rire. Je veux mourir qu'on me foute la paix. Je veux mourir. Ok, je profite d'un début de semblant de bridge pour mentionner à tous les auditeurs qu'on est rendu à la moitié du clip de Gilles Langoureau. On lâche pas. Pourquoi le monde applaudit? C'est parce qu'il a fini de chanter et on s'en va à l'entrevue. Alors Gilles Langoureau, je veux mourir, très très belle chanson effectivement, mais quand on voit ton physique qui est principalement sur un écran de télévision... À mon avis, ça serait plutôt « je veux me nourrir » que « je veux mourir ». Oui, c'est très, très drôle. Je crois que sont tes origines bourguignonnes. Ah, j'adore manger, boire, faire la fête, la javin, quoi. Je suis un nocturne, un octambule. Est-ce que tu chantes depuis longtemps, Gilles Langoureau? Je suis arrivé à Paris il y a 2 ans et demi. J'ai fait le métro comme tous les chanteurs, les auteurs-compositeurs qui arrivent. À l'époque, je chantais Édith Piaf à Belleville, enfin, etc. Je faisais plusieurs stations comme ça, en me faisant poursuivre par les policiers, ces chers agents de... De la maréchaussée. Oui. Est-ce que tu as mis du temps, je veux dire, pour faire ce premier album? Est-ce que c'est dur quand on arrive comme ça, on débarque à Paris, ouais, c'est... on est jeune chanteur, est-ce que vraiment on mange toujours de la vache enragée? Oui, enfin moi ça va, j'avais de l'avance, mais oui, il y a eu des moments difficiles, je veux dire. C'est ma première télévision, par exemple, nationale ce soir. Je crois que c'est quand même un événement important, ouais. Gilles, effectivement. Ah, je suis très ému. Alors tout à l'heure, Gilles, je disais que tu as une paternité importante quand même, puisque c'est Claude Nougaro lui-même. Oui. Alors est-ce que c'est pas difficile aussi d'être influencé comme ça par quelqu'un de grand déjà, être connu dans ce métier? C'est très très difficile. Il faut pouvoir s'en sortir. Il faut être de niveau, comme on dit. Oui, j'ai... Tout petit déjà, j'écoutais Claude Nougaro, enfin j'ai écouté Cécile comme tout le monde, etc. Puis mon père écoutait Trenet aussi, du Trenet. Puis il y a eu Brel qui est rentré à la maison. Et puis il y a, à l'âge de 17 ans, il y a eu Stevie Wonder, Al Jarreau, tout le blues, le rock'n'roll qui est rentré. Alors aussi. Tout ça, c'est un panaché, toutes ces musiques. Ouais, moi ce que j'aimerais faire un peu dans la chanson française avec mes petits moyens, c'est un peu de réconcilier cette musique noire, anglo-saxonne, avec les textes forts, quoi. Alors Gilles Langoureau, pour terminer, projet immédiat, qu'est-ce qu'on te souhaite? Que ça continue, que ça marche, que ça éclate? Oui, moi ce que j'aimerais de plus en plus, c'est que le swing rentre bien dans la chanson française. Merci Gilles Langoureau. Argentine. Pour séduire le peuple, le président Carlos Menem choisit la chanson populaire. Il tape sur les bambous et c'est numéro un. Dans son île, on est fou quand on est musicien. Hey, salut Tommy! Salut Giz! Comment ça va? Pour vrai, t'es pas mal au courant. Là. Je vis des moments qui sont tellement beaux que j'ai de la misère à les jauger et à savoir comment les vivre. Tu sais que j'aime ça qu'on fasse semblant pour la caméra? Ouais, mais je fais même pas semblant. C'est correct. Je suis totalement heureux. J'ai comme réglé cette semaine le seul problème que j'avais dans ma vie récurrent. Mais écoute, ton bonheur était important pour moi, mais les problèmes récurrents, moi, je trouve ça encore plus important. Tu fais mon sujet amené, j'adore ça. Et voilà! Parce qu'apparemment, on a un problème dans notre société. Il y aurait de moins en moins de gamblers. On a un problème de gamblers. Ouais. Il y en a de moins en moins. Et malgré le fait que l'industrie a essayé de nous faire croire que jouer au poker, ça pouvait être une carrière, puis toutes sortes de trucs comme ça, ou que c'est vrai, en les cartes et devenir riche en jouant au blackjack. Ouais, ouais, il y a personne qui fait de l'argent avec ça, sauf ceux qui jouent. Exact. Ouais, ouais. Comme le casino fait pas d'argent. Fait que, tu sais, pour nous au Québec, c'est un peu un problème. Parce qu'étant donné que c'est géré par l'État, c'est un peu des revenus du gouvernement, donc ça en prend des gamblers. Mais Nintendo avait prévu le coup avec un jeu qui s'appelait Casino Kid. Casino Kid. Un jeu destiné aux enfants pour apprendre à les règles du blackjack et du poker 5 cartes, parce que le poker Texas Hold'em dans le temps n'était pas très populaire au grand public. Donc, ils se sont dit, hey, pourquoi on ferait pas un jeu à la Final Fantasy de style RPG pour montrer aux jeunes comment gambler et les règles de base du jeu, finalement? Hey, c'est vraiment une prémisse de marde. Ça, c'est encore pire que le jeu de Bible. Écoute, pour vrai, je veux dire, la Bible, jeu... c'est des croyances générales d'un film, mais l'argent, t'en as besoin. Là, c'est... Ouf, ouf, et c'est un jeu licencié par Nintendo et approuvé. Ah ben, bien sûr, important. Hein, ça, et voilà, finalement, on lui a trouvé une tare. t'as dit? J'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble parce que c'est vraiment ce que c'est. Fait que là, t'as amené un clip de Casino Kid puis tu me dis « pèse play » là-dessus. Ouais, j'ai joué une partie pour toi à la maison. À un moment donné, ça devient quelqu'un le responsable. Moi, je suis le messager, toi, t'es le messager. En tout cas, on part, là, puis... On comprend ce que tu veux en dire, mais... Alors voilà, donc Casino Kid et non Casino Adulte ou Casino Générique, c'est vraiment Casino Kid. Et pas dans le sens de « tu as l'air jeune », c'est dans le sens « tu es un enfant ». Et tu vas te battre contre les meilleurs. Et dans, tu vas te dans battre les plus grands casinos. Parce que tu peux battre le casino, moi c'est ce que j'ai compris avec ce jeu-là. « The toughest gamblers are here to compete with you. Beat them in poker, beat the casino, blabla. » C'est un peu l'ancêtre des Pokémon, dans le fond. Fait que, au lieu de te battre contre des Pokémon, tu te bats contre des gens. Puis là, je me suis promené à travers le casino et j'essaie de trouver des gens à qui parler parce que je comprenais pas comment jouer. Fait qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe. Mm-hmm. On vient de rencontrer deux personnes différentes qui étaient pareilles. Ouais, puis là, ils nous disent que je peux pas lire la face de l'autre. C'est un peu loin. C'est un beau casino. Oh oui. Trois personnes pareilles. Ah. Donc, on nous donne des hints comme quoi qu'il y a des personnes qu'on peut lire leur face ou des filles qui pensent qu'ils sont belles. Donc, des vraies valeurs, c'est comme le gambling, l'argent, les femmes. C'est les choses courantes de la vie d'un homme qui se respecte, là. Ou pas. Alors, je me suis dit qu'il y a une table à jouer, là, donc ça doit être là qu'on peut jouer. Ben non. Il m'a juste dit « I'm tough ». Fait que je continue à chercher, je cherche... Moi, je veux jouer à des jeux de casino parce que je suppose que c'est ça qu'il faut faire. J'espère que tu enjoy notre casino. Non, je veux jouer à des jeux. Ben ouais, à date, il n'y a rien. Ouais. Là. J'ai de l'argent sur moi, j'ai 500$, je veux. Et tout d'un coup, pouf! Oh! Aikido. Fait que c'est notre premier adversaire. Donc, on rencontre notre délicieuse dealer qui nous dit « Salut Miel, je suis ta sucrée passeuse de cartes. On va jouer au draw poker. » Et voilà. Ah, c'est déjà super plate, en tout cas. C'est là que ça devient vraiment long, parce que là, on a notre premier adversaire, puis on joue au poker. It's fun. It's fun. Ben oui, ben, it's fun. Pour nous le dire, pour qu'on s'en souvienne aussi. Mais ce que j'avais pas compris quand j'ai joué, c'est quand il dit « it's fun », ça veut dire qu'il y a une bonne main potentielle. Ah ouais? Parce que lui, il donne des indices. Vu parce que lui, c'est un des premiers contre qui on joue, il est pas bon. Il est pas bon. Ah. Mais étant donné que moi, j'utilisais la technique de quand je jouais à des jeux de strip poker au PC, je mettais toujours la mise maximale, qui était la meilleure façon d'arriver plus vite. Parce que sinon, c'était beaucoup trop long pour que les filles en pour qu'on voit le pixel de tweet perdent leur vêtement. Le pixel en point gif. J'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi dans Strip Poker 1, ils perdaient leur culotte avant la brassière et dans le 2, c'était l'inverse. Comme si ça a pas été fait genre en 8 bits, c'est pas clair. Non, ben... C'est... Ben anyway, un coup que t'es en bikini, ça cache plus grand-chose non plus. Ben, c'est ça. C'est... On apprend les vrais... Donc, c'est ça, donc... Le jeu, en gros, ben, on doit bêter. On peut pas dépasser 100, puis là, on apprend à jouer. C'est fun. J'aurais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ça, vous montrer le blackjack, mais je me suis mais pas rendu. Mais tu t'es tanné avant. Mais je suis déjà tanné. Ouais, ben, on regarde ces plates, là. C'est... Puis, j'ai recommencé comme 4 fois pour essayer de battre lui plus vite, pour pas que ça dure 1000 minutes. OK. Mais non. Donc, si tu veux finir ce jeu-là... T'as-tu remarqué si c'était les mêmes cartes que tu recevais au début, puis s'il disait « It's fun » aussi? J'ai juste remarqué quand il y a des bonnes mains, il dit « It's fun », puis okay. Sinon, il fait une phase de genre « Oh mon Dieu, c'est pas une bonne main », puis après ça, il dit « It's fun ». Fait que tu sais, faut savoir lire entre les lignes. Ah ouais, hein? Fait que éventuellement, je vais perdre tout mon argent parce que c'est un spoiler alert, puis que je vois que c'est pas vraiment pertinent, fait que je pense qu'on peut skipper. On skip pas, mais on le regarde. On skip pas, ok, fait qu'on me regarde perdre mon argent jusqu'à temps que ça soit écrit game over pour que tout le monde me juge, c'est ça? Ouais, ouais. Okay. Ben, je veux dire, tu viens d'expliquer aussi ce que tu faisais dans ton clip, là. T'es en train de play Sanente. Ouais, ouais, ouais. Fait que, ennui total, qu'est-ce que t'en penses, Mathieu? Ben, à date, moi, je m'emmerde solide avec ce jeu-là. D'ailleurs, ouais. Quand je l'avais vu au club vidéo où j'habitais, là, il y avait un club vidéo, là. Ben, j'habitais ton, pas dans un club vidéo. Ton instinct vidéo, mais, mon instinct a encore une fois frappé. J'ai ouais. Jamais voulu louer ce jeu. Ouais. Mais c'est-tu quoi? Quoi? Ils ont fait un 2! Oh! Ben, là, tu m'intéresses! Donc, ça veut dire qu'il y a assez de gens et assez de ventes qui ont justifié le fait qu'ils se disent « Hey! » Game ça marche. Over. Wow. Ben oui, ça on a marche. Une nouvelle génération de gamblers. Donc voilà, je suis game over, j'ai perdu mon argent. Incroyable. C'est quand même... C'est... Donc un RPG que tu te promènes à la recherche des gens que tu dois laver de leur argent et ou te battre contre le casino au Blackjack 21 alors que tout le monde sait que... Puis, t'as beau compter les cartes. Puis, je veux dire, non. Y avait-tu d'autres casinos? On sait pas. T'as-tu checké, fait des recherches? C'était-tu la seule map? C'était-tu l'Overworld, genre? C'était l'Overworld. J'ai vu aucun walkthrough dans les 10 que j'ai regardés qui se rendait dans un autre casino. Donc, je suppose que soit que tout le monde a abandonné ou que c'est vraiment le seul monde. C'est triste de même. J'aimerais vraiment ça, que ça soit autre chose, puis vous dire quelque chose de plus ouais, intéressant. Ça, mais ouais, non, genre, ça ouais, finit ouais, encore mal. J'avais hein. Besoin de parler de ce jeu-là. Et voilà. Hey, parle-nous un petit peu, parce que je vais mettre juste après Wolverine Dies, là, c'est ta nouvelle capsule. Là. Ça vient d'où, ça? Pourquoi Wolverine? Ben, c'est parce que le film est sorti cette semaine, puis je me suis dit, je vais être opportuniste, je vais essayer de faire quelque chose de drôle. Puis moi, ce que je trouvais absurde dans ce film-là, c'est que Wolverine perd son pouvoir de... J'essaie de pas faire qui de... me font chier quand qui enlève au super-héros le fait qu'il est un... Tu sais, dans les films de Batman, quand Batman, ça ne tente plus d'être Batman, là. Mm. Hey, tabarnak, est-ce que ça me fait chier? Mais c'est que, en théorie, si Wolverine perd son pouvoir de régénération, ben il devient comme toi puis moi. Donc, je trouvais ça un peu absurde et ça me faisait beaucoup rire d'essayer de faire comme un top 5-6 des morts que Wolverine pourrait avoir s'il était comme toi puis moi. Il se découvrait des faiblesses. C'est comme quand tu disais à quelqu'un, fais pas ça, tu pourrais mourir. C'est ça. Mais là, ça arrive. Excellent. On est à 70%, mais merci beaucoup, Giz. On écoute merci ça, toi, puis on va revenir avec Marianne pour la dernière chronique pas de la journée. Game. Ben, je te jure. Hey, Giz, did you see the new Wolverine movie? No. I heard he loses his healing powers. He could just die now of, like, anything. Anything, Chicken, eh? You have to be careful with that. It can be dangerous if you don't cook it well. Mr. Logan, please sit down. Mr. Logan. Well... There's really no easy way to say this. You smoke a lot, don't you? Let's hope they will. C'est Fred aujourd'hui, j'ai trouvé ça sur le groupe de douteux sur Facebook. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas inscrits avec nous, venez nous rejoindre. Et voilà, c'est un expert en taekwondo qui va détruire la planche. Ça sera pas facile, mais au moins il va l'insulter. Et voilà. Il faut... boy. C'est pas qu'il est pas bon, c'est juste que ça paraît pas qu'il est bon. Et voilà, Pathétique, un nouveau visage. Now will you dance for me? Continue. Oui, super! Ben moi, j'aimerais ça être à la place du singe. Moi, j'aimerais ça être à la place de n'importe qui. Parce que c'était des années 70, puis dans ce temps-là, la musique était bonne. Oh oui, absolument. Bonjour, Tommy! Allô! Tu vas bien? Oh oui. Bonjour, le brouhaha. Vous autres à la maison. J'espère que tout se passe bien aujourd'hui. Mais en fait, Tommy, j'ai décidé de faire quelque chose de spécial aujourd'hui. Parce arrête que donc, toi. Dans les deux dernières semaines, j'ai trouvé franchement que je me suis vraiment beaucoup informée sur l'obsolescence programmée. Je voulais en parler. Sinon, je voulais parler aussi du pétrole. La famille Rockefeller, c'est un putain de gros dossier, on s'entend. Il y a le génocide aussi des Amérindiens. Il y en a tellement que j'ai fait une dépression. Fait que c'est ça, mais j'ai décidé de t'amener quelque chose de plus joyeux. Parce que tout le monde attends, en a besoin. Attends, tu veux dire, depuis la semaine passée, t'as fait une dépression? Oh, façon de parler. Hein? Okay. Ça n'en prend plus que ça pour venir à bout de moi. C'est bon, fais-moi. L'optimiste toujours en avant. Fais-moi pas peur. Fait que là, on écoute, tu nous as préparé une surprise musicale. Ben oui, parce que c'est ça, mais ukulélé, tu vois, moi, ça me rend vraiment de bonne humeur. À chaque fois que je l'ai dans les mains, il me semble que... Va falloir qu'on trouve un background. Je sais pas trop quoi mettre. Mon level de happiness upgrade à quelque chose comme level 20, c'est tout en cours. Puis j'ai appris une toune juste pour vous autres, parce que je sais que vous l'aimez beaucoup au brouhaha. Je sais qu'on l'aime beaucoup ici. Il y a FX qui l'adore également, donc c'est la première fois que je vais la jouer en nombre. Je vous laisse deviner c'est quoi. 25 years, my life still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I know I should that a world was made of the brotherhood of man. Whatever that means. And so I cry sometime when I'm not in bed, and I just say, go down my bed, my head, and I feel a little particular. So I wake up in the morning and I step outside, and I take a deep breath, and I get real high, and I scream top of the lungs, what's going on? Turn on, and I say, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. What's going on, Tommy? Bravo, Colin. Four non-blondes. Hey, d'où t'as pas eu le même secondaire que moi, ils apparaissent. Hein? Fait que c'est ça. C'était la bonne nouvelle puis la bonne humeur de la journée. Tommy. Bon travail, ici. Fait que t'as-tu un petit mot de la fin? Parce qu'on arrive à la fin de 70%, d'abord. Prenez soin des gens qui vous aiment et prenez-en soin autant qu'à vous-même. Mm. Wow, ça se dit bien, ça se dit bien. Sinon, ben merci à Giz, merci beaucoup à Sans Bon Sens, retournez voir ça, ça existe. Merci aussi à Marianne qui est devant nous pour une version de Four Non-Blondes, Carlis. Il y a comme un album autour de cette tune-là, en plus, ça intéresse personne. Merci, j'ai oublié un chroniqueur, l'excellent Mathieu, bien entendu. On est à 70%, il reste encore deux petits clips assez spéciaux, puis après ça, bon, on va parler du long-métrage de ce soir que je n'ai pas encore calé. C'est l'excellent Lauderdale, Life's a Beach. Life's a Beach. Et puis, ben, sinon, en français, c'est L'Escapade Lauderdale. On en parle un petit peu juste après. Ça s'appelle Comprendre. Sinon, vous avez écouté 70%. Ça, c'est un clip bizarre. Comment faire pour te plaire? Dis-moi où sur terre.